bon Dieu, dirige, ba konnen sa pou m fè. Tout bien m fè nan la vi, yo toune mal. Mwen pa konn fè sa ki mal, pou ki rayis mwen pou mwen. Se toujou pou absan mi mwen, ki pa vle wè mwen. Ba mwen, yo di mwen, se vagabond. Yo toujou ap chèche, humilie mwen. Mwen pa nui peson zanmi, pou ki sa yo rayi mwen. Tout pasyon, se bel fòm, se la mizi. Ki jan bon fè yon pon sa yo, lang yo file pa son razwa. Moun sa yo bito mouri, kay yo boule lang yo sove. Moun sa yo bito mouri, kay yo boule lang yo sove. Ou mache pwop yo palo mal, ou mache sal yo palo mal. Tout so fè yo palo mal, lang yo file pa son razwa. Moun sa yo bito mouri, kay yo boule lang yo sove. Moun sa yo bito mouri, kay yo boule lang yo sove. voulez mourir. Docteur condamné lui. Coupé fait cancer. La mourir. Mon n'a pas trop caille li boulé. Pour l'homme ni sauvé, pour capable parler. Et ce bagage toujours dit nous connaît pas bien mourir. Moi c'est une malédiction. One. Yo bido mouri, kayo boule lang yo sauve. On fait bien yo palo mal, on fait mal même c'est pire. Tout son fait yo palo mal, lang yo file pas son rasoir. Monza yo bido mouri, kayo boule lang yo sauve. Monza yo bido mouri, kayo boule lang yo sauve. Ou ka manje yo palo mal, ou pa ka manje yo palo mal. Tout son fait yo palo mal. Lang yo file pas son rasoir. Monza yo bido mouri, kayo boule lang yo sauve. Monza yo bido mouri, kayo boule lang yo sauve. Ou pa ke l'argent yo douce et pauvre, lo ke l'argent yo douce et diable. Ki j'en bon faire, monza yo, lang yo file pas son rasoir. Monza yo bido mouri, kayo boule lang yo sauve. Monza yo bido mouri, kayo boule lang yo sauve. Monza yo bido mouri. Kayo boule lang yo sauve, monza yo bido mouri. Kayo boule lang yo sauve, monza yo bido mouri. Kayo boule lang yo sauve, monza yo bido mouri. Kayo boule lang yo sauve, monza yo bido mouri. Kayo boule lang yo sauve, monza yo bido mouri. Kayo boule lang yo sauve. Jodi bien samedi nous oui. Bab Jean mouri. Moi c'est une malédiction one. Adieu. Ces jours allongés na wè longueur moi. Monseigneur bidon mouri. Kayo boule lang yo sauve.